Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles. Cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré en son chemin.